Section 83 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La lecture, tome 6e, section 83, Croquis de décembre, par Gustave Geffroy. Chapitre 3, La vie acceptée. C'est comme une revue de fin d'année que l'on passe ordinairement, en ces courtes journées de décembre, si l'on s'oublie devant son feu, alors que le crépuscule tombe, que la nuit vient. Voulez-vous que nous ne tenions aucun compte des événements, connus de tous, et que nous transcrivions seulement ici quelques commentaires de l'existence, s'appliquant aussi bien à l'année qui va commencer qu'à l'année qui finit? La mode est peut-être, en effet, revenue aux constatations morales, aux discussions philosophiques. Beaucoup s'arrêtent de vivre pour regarder la vie. Les événements sociaux et les crises intérieures de l'individu sont des objets de commentaires et d'interrogations où la curiosité l'emporte sur la passion. On observe sans avidité, on explique sans chaleur, et ordinairement on se tait aux conclusions. Non pas seulement aux conclusions affirmées de part et d'autre par les manuels et les catéchismes, et qui prétendent à renseigner définitivement sur les origines et la destinée de l'homme. Il est légitime de les exclure de ses préoccupations, ces conclusions-là. Le prétendu calme apporté à l'esprit par la croyance fixée à des causes finales, religieuses ou philosophiques, ne peut même pas être cherché par la plupart des êtres nés en ce siècle. Que ceux qui croient posséder les explications définitives restent en paix. Pour les autres, il est bien avéré qu'ils doivent rayer de leur programme intellectuel toutes les aventures, sous peine de choir dans les abîmes sans fond des spéculations sans objet possible. Mais il est des connaissances plus sûres, des expériences plus faciles. En dehors des aventures, sur ce globe dont les limites sont à peu près touchées, dans ce temps compris entre la naissance et la mort, il semble que, le terrain reconnu et les conditions de durée acceptées, une manière d'être devrait s'imposer et ne provoquer aucune réclamation, inutile d'ailleurs. Il paraît que c'est là le difficile, et que la part d'années dévolue à chaque homme, à chaque nation, se passera en hésitation entre des systèmes, en choix jamais définitifs, entre des constitutions sociales et des règles de conduite particulières. Ah oui, on répond que la vie est complexe, que les événements sont multiples, que les petits faits ont de grosses conséquences, que l'homme n'est pas libre. Il est vrai. Mais depuis le temps que tout cela dure, on devrait être édifié, s'attendre à tout et à rien, à ne pas rester effaré devant l'imprévu, reconnaître que l'on n'assiste guère qu'à des recommencements. C'est ici que se pose le problème et que s'entrecroisent les solutions. Faut-il agir? Faut-il ne pas agir? Faut-il accomplir strictement une tâche et ne rien tenter en dehors de l'action régulière, juste, suffisante pour constituer la vie? Ou faut-il au contraire s'essayer à grandir cette action, à étendre l'assimilation individuelle, au risque de remonter le rocher qui sans cesse retombe, de verser de l'eau dans le trou de sable qui toujours se dessèche? C'est de cette façon nette qu'il faudrait formuler la question, au lieu de la faire tenir dans des mots comme optimisme et pessimisme, qui finissent par se déformer et par signifier tout autre chose qu'au début de leur emploi. Celui qui trouve tout bien et celui qui trouve tout mal, ne font au surplus que donner des opinions d'ensemble sur la vie, et il ne s'agit pas précisément de cela. Les jugements sont bien indifférents, et l'impression produite par la vie sur le cerveau de l'homme est de bien mince importance, alors qu'il faudrait trouver un mode de vivre, ce qui est autrement grave. La vie est, voilà ce qu'il y a de sûr. Qu'elle fasse rire aux éclats les uns, qu'elle en fasse pleurer d'autres, qu'elle fasse sourire d'autres encore, cela peut être intéressant à noter comme manifestation. Il ne faut pas pourtant s'en tenir là, et on le voudrait qu'on ne le pourrait pas. Le chansonnier le plus national et le décadent le plus désespéré sont forcés, et pas seulement de temps en temps, mais toujours, de s'occuper des mêmes choses, de résoudre les mêmes difficultés, de trouver des arrangements pour toutes les matérialités et toutes les spiritualités, de vivre en un mot. Le rieur cesse alors de rire, la tristesse cesse ses lamentations, et tous deux agissent. Il n'y a pas alors seulement à décider si c'est la gaieté ou la tristesse qui sort des choses, si la vie est bonne ou mauvaise. Certes, on établirait une balance, on comparerait la somme des aubaines avec la somme des déceptions, que cette dernière serait évidemment la plus forte, il n'est guère d'homme ayant dépassé 25 ans qui ne soit prêt à en convenir. Malheur, amertume, difficulté sont des termes d'un emploi plus courant que facilité, douceur, bonheur. Les uns et les autres sont tout de même tous prononcés, et équivalent donc à des ordres de fait dont on ne peut nier la réalité. Il y a des printemps après les hivers, des beaux jours parsemés dans les années mauvaises, de courtes joies au cours de longues périodes d'ennui. Qui songerait à nier ces concessions faites à tous? Qui songerait aussi à nier le raisonnable de ces proportions? Encore une fois, il est facile de se mettre d'accord sur ces premières investigations, et le travail d'enquête serait vite fait, si l'on ne s'enrégimentait pas dans les casernes philosophiques, avec une sentinelle à la porte, qui demande le mot d'ordre et empêche de sortir. Les parties prises abandonnées, et les faits réduits à ce qu'ils valent, il ne resterait plus qu'à se faciliter l'existence, qu'à s'installer aussi commodément que possible pour la traverser, qu'à se garer autant que faire se pourra des averses, des orages, des sautes de vent, qu'à essayer de profiter des bonnes brises et des rayons du soleil. Les hommes ne se prépareraient pas à les cruels effondrements habituels si, bien convaincus que les trop vastes ambitions n'ont pas chance de se réaliser, ils se contentaient des bonheurs possibles et s'ils acceptaient les malheurs inévitables. Fin de la section 83.